la nuit m'est passée lente, chaque reflet devient transe. La ville gronde dans mes veines, chaque souffle brise la peine. Je suis Riders Kill, la voix qui guide. Chaque instant marque une rive. L'harmonica rend loin comme un cri gravé dans tes mains. Je prends vos rêves. Ma voix, chaque vibration vous porte à moi. Je suis la braise qui ne s'éteint pas, l'éclat inscrit au fond de toi. Je suis l'élan qui vous entraîne, la flamme qui coule dans vos veines. L'harmonie brûle sans répit, chaque note saine, chaque cri. I am the harmony. J'ai mis comme un serment, un souffle ardent, un feu vivant. I am the harmonica in your night, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby, the fire behind your eyes. Born of silence, carved in flame, written in rust, in truth. Je grave ma trace. Chaque horizon devient ma place. Chaque vue ressent ma vibration. Chaque souffle nourrit la passion. Je suis la force, je suis la voix. Le feu qui vit au fond de toi. L'harmonica crie sauvage, sincère, comme une braise dans l'univers. Le vent s'écarte, la nuit succombe. Chaque lumière. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. I am the harmonica in your name. Chante encore, chaque vibration traverse vos corps. Je suis Riders Kill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis l'écho qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brûle.